reine l'eau. Ces belles espérances qui ont bon dos, on rit de sa présence, de son silence. Elle a des paysages et des bateaux bien cachés dans sa tête qui lui tiennent chaud et qui s'en vont sans bruit quand elle sourit. Maria Carmencita a ses mots d'amour au bout des doigts. Son fils chante du rock'n'roll, elle ne l'entend pas. Maria Carmencita, tu aurais de l'amour plein la voix. Dans ce monde de la parole, il n'y a pas de place pour toi. Oh oh oh, comme si tu n'existais pas. Pas parler, pas vraiment vivre, pas reconnaître les bruits qu'on aime, pas chanter, pas vraiment suivre, pas vraiment partager sa vie. Elle danse dans son silence quand elle s'ennuie. Elle vit l'indifférence et elle l'oublie. Quand elle croise un visage qui lui sourit. Maria Carmencita a ses mots d'amour au bout des doigts. Son fils chante du rock'n'roll, elle ne l'entend pas. Maria Carmencita, tu aurais de l'amour plein la voix. Dans ce monde de la parole, il n'y a pas de place pour toi. Ce sont les autres qui ne t'écoutent pas. Esteu escoltant Hola La Music amb Rafael Corbí. Segueixes al nostre costat i segueixes amb bona música i aquests ritmes que ens ha portat gent magnífica com aquesta, la Maria Carmencita de Michel Berger, que ens ha acompanyat. Temes que ens aporten diverses formacions, en aquest cas, o formacions o artistes. Escoltem amb els propers minuts Edmé Favart, amb una de les seves cançons que ens aportarà atenció, que amb aquest tema anirem molt enrere amb el temps, però també és part de la nostra eclectitud. Edmé Favart ens acompanyarà des del 1923. Chanson de Route de Civolet ens aportarà. Després en Léo Ferré, French Gall, Les Enfoirés també, i Soga, amb una altra de les cançons que podem escoltar amb el programa d'avui de Hola La Música. Estrany, oi? Chez lui, chez toi, qui est blonde. Qui est blonde. Il y a du blé dans les moissons qui lèvent. Et il y a de la flamme au cœur des garçons. Il y a de l'amour dans le corps si doux qui flotte. Qui flotte. Du jupon un peu partout qui trotte. Qui trotte. Il y a de l'oiseau dans les maisons. Il y a de la fille sur les gazons. Et des savons dans les buissons. Mets ton citron. Dans le ceinturon. Mets ton palmier. Dans ton panier. Mets tes bananes. Dans tes platanes. Tes noix de coco. Dans ton chaco. Gardez vos fruits, gardez la coupe. La douzième hussard qui pousse. La douzième hussard qui pousse. Moi je m'en fous, moi je m'en fous. J'ai chez moi ma petite payse. Moi je m'en fous, moi je m'en fous. Ma payse m'attend chez nous. Moi je m'en fous, moi je m'en fous. Chez moi, ma petite paysse, moi je m'en fous, ma petite paysse chez nous. Il y a de la fleur au bord du chemin qui pousse, qui pousse. Il y a de la joie dans les petites mains qui est douce, qui est douce. Il y a de l'eau bleue au bout du quai qui fonte, et il y a de l'espoir au cœur des matelots. Il y a de la brise dans le matin frais qui rêve, qui rêve. La violette dans les forêts qui est brève, qui est brève. Il y a de l'oiseau dans les maisons, et il y a de la fille sur les gazons, et des savons dans les buissons. Mets ton flambeau dans ton calot, des cacahuètes dans ta musette, des amoureuses dans ta vareuse, et leurs portraits dans ton béret. Gardez vos filles, gardez la coupe, la douzième Dans la salle à manger brune, que parfumée, une odeur de vernis et de fruits, à mon aise, je ramassais un plat de je ne sais quel mets belge et je m'épatais dans mon immense chaise. En mangeant, j'écoutais l'horloge heureuse et quoi. La cuisine s'ouvrit avec une bouffée et la servante vint, je ne sais pas pourquoi. Fichue moitié défait, malinement coiffée. Dernier blues avant demain, avant que la mort me donne la main, avant que l'automne ait mis au sort des cheveux roux. Un dernier blues avant minuit, avant que l'amour m'ait travesti, avant que les heures aient pris mon cœur pour un igloo. Un dernier blues en catastrophe, avant qu'une étoile m'apostrophe, avant d'avoir écrit mon nom sur les néons de l'infini. Un dernier blues en majuscule, point de suspension et virgule. Un dernier blues, un jour de pluie, en mi mineur pour un ami. dernier blues avant demain, avant que la mort me donne la main, avant que l'automne ait mis au sort tes cheveux roux. Dernier blues avant minuit, avant que l'amour m'ait travesti, avant que les hommes aient pris mon cœur pour un igloo. Merci beaucoup. Je te le demande plus fort, solo puedes contestar. Encore une fois, c'est trop tard. On ne saura jamais, whatever people say. Comment empieza l'amour? On ne saura jamais, oh baby, come what may. Pourquoi love is never pour toujours? Jolis souvenirs de Bangkok, Bangkok. Qu'est-ce que je peux inventer encore? If I live, will you love me more? A mí me gusta mucho Venice, Venice. But you love the girls from Paris, Paris. Il fait trop froid ou trop chaud. Y todo es tan complicado. On ne saura jamais whatever people say. Amb Rafael Corbí. J'ai pas la main peine, pas le cœur gros. Je crois que je t'aime. Oh, oh, oh. Je mets du sourire partout dans les mots. Je crois que je t'aime. Oh, oh, oh. Non, je ne me reconnais pas. Si je m'étais trompée sur moi. Existe encore, regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. J'ai changé de décor, regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. Si tu aimes, si tu aimes, vas-y clap. Si tu aimes, si tu aimes, vas-y clap. Si tu aimes, si tu aimes, vas-y clap. Si tu aimes, si tu aimes, vas-y clap. Je crois plus au prince, je veux pas de héros. Toi je t'aime, oh, oh, oh, oh. Je trouve ça bizarre, je vois pas tes défauts. Je crois que je t'aime, oh, oh, oh, oh. Non je ne me reconnais pas. Si je m'étais trompée sur moi. L'amour existe. changer de décor. Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. L'amour existe encore. Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. J'ai changé de décor. Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. Si tu aimes, si tu aimes, vas-y, clap. Si tu aimes, si tu aimes, vas-y, clap. Chante és el tema que ens portava la Rica Zarai 1969. Suposo que molta gent també l'ha conegut, aquest Vivo Cantando. Amb el vent, amb Regadenu, també era una cançó de les que ens aportaven. Seguim endavant amb la recta final, els darrers minuts d'aquest programa eclèctic, avui variat, de Hola La Música. Els propers minuts, Pierre Malà i després Michel Sardou, amb la cançó de l'adeu, ens acompanyarà també amb el nostre espai. Divine mélodie que chantait le vent du matin dans tes cheveux blonds, la douce chanson blanche rêverie. 18 ans, de nos 20 ans, l'air de joie et d'insouciance, mon cœur garde une romance que j'aime. Jolie chanson, la divine poésie de ton frais sourire enfantin que les collégiens venaient m'apporter. Solitude. Quand t'es dans le désert,

bleu, les collines, les verres de prairie. Tourne, tourne, tourne, tourne, tourne sans fin. Une femme, rien qu'une femme qu'on aime. Une femme, rien qu'une femme qu'on aime. Elle est celle dont les trésors de tendresse vous font riche des plus beaux. Pour forcer le destin. Une femme, rien qu'une femme qu'on aime. Une femme, rien qu'une femme qu'on aime. Une femme, rien qu'une femme qu'on aime. Dernièrement se trouva littéralement écrasé dans le métro par une blonde aux contours les plus jolis du monde. Si beau que sa main s'en passe, on partit dans l'exploration. La dame se fâcha et le gratifia d'une belle gifle un peu là, pendant que la joue lui cuisait gentiment, il lui disait: c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien du tout. Un petit quelque chose nous semble souvent bien doux. J'aurais donné toute la terre pour que vous m'octroyiez la paire. En souriant très galamment, il lui dit: il ne faut jamais faire les choses à demi. Soyez sûr que l'autre joue, implore vos doigts si doux, un soufflet d'une femme comme vous, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien du tout. Une jeune fille au cœur ardent fut forcée par ses parents d'épouser un vieux monsieur parce qu'il était galetteux. Voir ses notes, la petite frémissante attendit les caresses affolantes, les mots d'amour qui rendent fou, et pour lui dire son époux, une fois essaya. Les mots ne venant pas, en carafe la laissa. La petite en fut concernée et disait pour consoler: pas grand chose, mais c'est mieux que rien du tout. Un petit quelque chose nous semble souvent bien doux. Avec lui, au moins, je suis sûr de n'avoir jamais de courbature. Un mois après, elle avait un petit amant, un gosse-gosse au langage assez puissant. Pour lui parler d'amour, 15 ou 20 fois par jour, ça ne vous semble pas beaucoup. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien du tout.